Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. C'est pas du rap de rageux, représente pas les rageux. Si t'entends dans l'orage, suivi d'un boom, c'est que je défonce les portes en autoprod. C'est pas du rap de malprof, va pas t'imaginer que j'ai vendu de la CC pour y arriver. Cesse tes conneries, viens pas me parler des pistes de nez dans le rap. Et si c'est chacun sa merde, chacun se démerde. Ici on n'est pas des frères et sœurs, même les prolos se plantent des couteaux dans le dos. Et comme je vis dans cette zone, qu'ils appellent leur fournisseur au taxiphone parce que leur puce allait griller par les archers. Ma puce, ça fait bien longtemps qu'elle est grillée sur l'instrumental qui déballe mes mots en kilo illégal. Le CSA me censure, c'est sûr, parce que je vise le centre de la street. Les politicos illégaux, mais pour Sarko, c'est notre rap qui est politiquement illégal. Je reste égal à moi-même, même si mes thèmes peuvent choquer tes pensées. C'est pas mon flow qui enlève tes neurones. Moi, je prône la liberté, la paix à tous les peuples humains destinés sur la terre, nous unis à jamais. Autant partager ce même destin comme un couple. Je prône la paix et la liberté. Ouais, on cherche tous un coin de liberté. À tous les peuples une même destinée. Si, même destinée. Sur cette terre qui nous unit à jamais. Autant partager ce même destin comme un coup. Moi j'ai mal au cœur, je m'allonge, je suis ce pleurage. Je pense à toutes ces personnes qui laissent les gens dans la galère et la misère, même pas une petite pièce sur le sol. J'ai des paquets de cigarettes, on perd les poches de l'état, choper le cancer que de prolonger la vie. L'hiver approche, les SDF frissonnent et les gens dans leur chemin allument leur cheminée. Les SDF sont minés, l'état les a oubliés. Je pose une prose, une rose sur l'instrumental en guise de perte en balle pour ces personnes de 2008 qui meurent seules sur le sol crade de cet état français. Je me faisais un devoir de m'exprimer à ce sujet. Ces personnes qui meurent de froid dans les coins sombres de la France, même pas de vieillesse, tout simplement de tristesse et de stress à choqué dans tes pensées. J'espère que mon flot te remettra tes neurones au-delà du chiffre zéro. Et quand tu regarderas ton thermomètre qui se situe en dessous, que tu penseras à faire un geste. Moi je prône la paix, la liberté à tous les peuples, une même destinée sur la terre, nous unis à jamais. Autant partager ce même destin comme un coup. Je prône la paix et la liberté. Ouais, cherche tous un point de liberté. À tous les peuples une même. Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait: mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondait: s'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place.